Quand j'arrive au mic, et plus c'est bonjour, je m'appelle Doka et là je vais te présenter toute la famille. En fait c'est assez simple, c'est le bordel, c'est pas que des amis. Ils sont dans ma tête et font les cons, c'est pas tous des bons. Si tu veux test, tu verras qu'il y a de la place sous les ponts. Salut c'est Dezo, je confirme, c'est la merde en fait. On est quatre en tête, pas de videur, on est tous entrés. Je te parle de la vie du maire qui installe ses caméras au mec qui taffe pas et qui se branle sur des carreras. Moi j'arrive au mic et puis c'est clair, je m'en bats les couilles. Ça fait 22 piges que je galère dans la tête, je suis la débrouille. Tu m'as jamais vu mais c'est normal, je suis la face cachée. Et si jamais je un jour devant ta gueule, c'est pour te la gâcher. Assis sur le banc de l'école, bac en poche, je suis en cours. Pendant qu'ils font n'importe quoi, je vais sauver les meubles encore. On s'aime, tu sais, 22 ans qu'on cohabite tous. Et avec mon salaire, on ne connaîtra pas la crise, tous. Bonjour, je m'appelle Deca, j'ai comme un petit problème. Depuis docteur m'a dit, monsieur, vous êtes schizophrène. On n'est pas barré, on a juste quelques séquelles. Pourquoi pas rappeler, vu ce que le game a sous les semaines. Bonjour, je m'appelle Deca, et j'ai comme un petit problème. Depuis docteur m'a dit, monsieur, vous êtes schizophrène. On n'est pas barré, on a juste quelques séquelles. Pourquoi pas rappeler, vu ce que le game a sous les semaines. Voilà, on débarque, on présente personne à part nous-mêmes. Et si oublie-moi, je sais très bien ce que t'as voulu nous mettre. J'ai trop la rage en fait, mes poings seront des battes en fer. En attendant le déluge, mec, t'as qu'à pas t'en faire. T'es bien avec ta meuf, t'es un canard bien trop gentil. Fais-lui des beaux cadeaux et surtout, reste authentique. On voit qu'elle fait plus que sa pub, vas-y man, va te saouler. On l'a vu faire plus que sa pub, t'es pas que sur chatroulette. Moi j'arpente ta ville avec mes Stan ou mes Air Max. J'ai toujours pas le permis, les trois autres mecs en sont perplexes. Tu sais, c'est le genre de type à critiquer mais à rien foutre. J'suis pas violent, mais les éclatés me feraient un bien fou. On pourrait faire du rap et dire qu'on défonce tout le monde. Mais à quoi bon, c'est logique comme la terre est ronde. J'crois trop en moi peut-être, mais sinon qui va le faire. C'est vrai que toi on sait bien que t'es le mec parfait. Bonjour, je m'appelle Deca, j'ai comme un petit problème. Depuis docteur m'a dit, monsieur vous êtes schizophrène. On n'est pas barré, on a juste quelques séquelles.